Section 5. Chapitre 5. Si le jardin était admirable, la maison par contre était des plus simples. Au moment où on l'avait bâtie, on s'était contenté des travaux qui devaient la rendre logeable pendant 2 mois de l'été seulement, et l'on avait retardé ceux qui pouvant être différés. Il se ferait qu'à l'époque où Madame de la Héraudière, quittant Orléans définitivement, viendrait l'habiter pour toujours. Madame de la Héraudière, ayant été surprise par la mort, son mari n'avait pas fait faire ses derniers travaux qui pour lui étaient complètement inutiles. Ce n'était point de tenture contre les murailles, ni de peinture sur les boiseries qu'il avait souci. Ce n'était pas sous le toit de sa maison qu'il était heureux, c'était dans son jardin, au milieu de ses arbres. Pour le plan de sa construction, M. de la Héraudière s'était inspiré du modèle qui a été mis en œuvre dans plusieurs sémaphores de ses côtes, c'est-à-dire qui lui avait donné la forme d'un T, dont la barre horizontale faisant façade était tournée vers le jardin, tandis que la verticale l'était vers l'océan. C'était dans cette sorte de coin s'avançant sur la mer que M. de la Héraudière avait établi son cabinet de travail, et comme de larges fenêtres avaient été ouvertes sur la face et des deux côtés, on se trouvait avoir une vue qui embrassait 3 points cardinaux, de l'est à l'ouest, en passant par le sud. Immédiatement, au-dessous du jardin, une grève de sable. À gauche, dans les lignes confuses de l'horizon, les plages du Croisic et la masse sombre de Noirmoutier. En face et formant une ceinture sur la mer, les îles d'Ouédic, de Watt et de Belle-Île. Enfin, à droite, pénétrant au loin dans les eaux, les dunes de Quiberon avec leurs sapins noirs et leurs moulins à vent. C'était dans cette pièce que Charlotte, voulant faire une surprise à son père, avait commandé qu'on servît le déjeuner, et ce fut là qu'elle vint l'attendre. Quand M. de la Héraudière rentra de son excursion au jardin et ne trouva pas le couvert mis dans la salle à manger, il appela la domestique. Mais avant que celle-ci eût le temps de répondre, Charlotte ouvrit la porte qui, de la salle à manger, donnait dans le cabinet, et M. de la Héraudière aperçut la table dressée devant le feu qui flambait. « Ah, la chère enfant !» dit-il en venant embrasser sa fille. « Elle a voulu faire une surprise à son vieux père. »« Et j'ai réussi !» Rien ne pouvait me donner plus de joie que de me retrouver après 15 jours d'absence dans ce cabinet de travail, au milieu de mes livres, de mes collections, de mes pierres, et de m'y retrouver avec toi, c'est-à-dire avec tout ce que j'aime au monde. Tu as eu une charmante idée. Nous allons faire ici un bon déjeuner. » Et, le dos au feu, il promena son regard autour de ce cabinet, s'arrêtant longuement sur une vitrine, passant vite sur une autre, et revenant à sa fille qui arrangeait des pommes sur une assiette. Dans ses yeux brillants, dans son visage épanoui par le sourire, se montrait une joie émue. « Allons à table, » dit-il. « Le cœur est heureux, la tête est satisfaite, maintenant l'estomac réclame sa part. Jeannette, vous pouvez servir. » Mais, prêt à s'asseoir, il changea la table de place en la faisant tourner à demi. « Non, pas ainsi, » dit-il. « Je ne veux pas que tout soit pour moi. » Je ne veux pas faire face à la mer, tandis que toi, tu n'auras pour tout plaisir que de regarder le feu. Partageons également, toi d'un côté de la cheminée, moi de l'autre. Comme cela, nous aurons chacun la moitié de la vue. Puis, s'étant assis, « Et tu ne seras pas la plus mal partagée maintenant, » continua-t-il tout en mangeant. « Tu auras devant les yeux la vitrine de la pierre polie, et je connais plus d'un honorable savant qui voudrait bien être à ta place. » Cela fut dit avec un tel sérieux et un si naïf sentiment de supériorité que Charlotte ne put s'empêcher de sourire. « Tu souris, méchante fille !» s'écria M. de la Héraudière, parlant la bouche pleine. « Il n'en est pas moins vrai que ce que je dis là est l'exacte vérité. Il y a dans cette armoire des hameçons en os qui, pour la conservation, laissent loin derrière eux ceux des stations lacustres de la Suisse. Il y a un filet auprès duquel ceux de Robenhausen ne sont rien. Et mes haches en silex emmanchées dans des gaines en bois de serre, et mon collier en ambre. Ah, père, je ne mets pas en doute la valeur de tes richesses. Je l'espère bien. Et même à propos de silex, j'ai oublié de te dire que monsieur le curé de Guéhanno était venu pour te prévenir que dans une carrière de sa paroisse, on avait trouvé des silex taillés et qu'il te priait de venir les voir. Le curé de Guéhanno, je m'en défie, et de ces silex encore plus. Je ne veux pas qu'on me fasse les mauvaises farces inventées pour boucher de pertes, et qu'on enfouisse dans les carrières des silex fabriqués ou des os lavés au lait chaud pour me les faire découvrir ensuite. Il y a quelques braves gens par ici qui ont été ameutés contre moi par le bruit de mes derniers travaux. Ils se figurent que mes recherches préhistoriques ne vont à rien moins qu'à détruire leur religion. Ils ne seraient pas fâchés de me faire tomber dans quelque piège. Mais je me tiens sur mes gardes, et si le curé de Gaiano est le complice de ces honnêtes gens, il lui en coûtera cher. J'irai voir cela après déjeuner. » À ce mot, Charlotte laissa échapper un mouvement que M. de la Hérodière remarqua, malgré l'animation qui l'excitait. Il regarda sa fille un moment, puis lui tendant la main par-dessus la table. « Pardonne-moi, dit-il, je suis un mauvais père. J'oubliais ce que je t'avais promis. Après déjeuner, nous avons un sujet plus sérieux à traiter que les silex du curé de Gaiano. Il y a cruauté à moi de te tenir si longtemps dans la tente. Tu es inquiète, troublée, et tu ne manges pas. » « J'ai mangé. »« À ton appétit, c'est possible, mais tu n'avais pas d'appétit, c'est ce que je veux dire. Mais tu n'auras pas longtemps à te tourmenter maintenant. Je finis. Donne-moi une pomme et descendons sur la grève. » Disant cela, il s'était levé, ayant pris la pomme de Reinette que sa fille lui tendait. Il avait mordu dedans à pleines dents, comme l'eût fait un gamin de 12 ans. Marchant le premier et traversant le jardin, sans même regarder ses arbres qu'il n'avait pas vus depuis 15 jours, il atteignit bien vite la grève. Le rivage était désert, et l'on apercevait seulement au loin, assis sur la pointe d'un rocher, un douanier dont la silhouette immobile se profilait, en noir, sur le ciel pâle. « Je t'ai dit, commença M. de la Hérodière, combien j'étais inquiet en me demandant comment Georges voudrait faire son chemin. Une fable ancienne montre un homme arrêté au carrefour de deux routes, l'une conduit au vice, l'autre à la vertu. Les routes qui s'offrent à l'homme moderne sont plus nombreuses, sans compter que nous avons inventé la vapeur et les chemins de fer. Georges était pressé. Il n'avait rien du voyageur qui se contente de faire régulièrement et péniblement quelques lieues à pied tous les jours, satisfait si avant de mourir, il a atteint le but qu'il s'était proposé. À Georges, il fallait le train express, celui qui vous fait arriver rapidement coûte que coûte. Je l'avais placé comme secrétaire chez Gontaut, qui est une des gloires du barreau, l'honneur et le devoir même. Mais Gontaut est l'ennemi du tapage, et il imposait à son secrétaire une vie discrète, qui ne pouvait convenir à celui-ci. Georges le quitta et entra chez un autre avocat qui est le contraire de Gontaut, l'avocat du monde de la finance et des affaires, l'ami des artistes, des journalistes, des comédiens, des gens en vue pour lesquels il plaide, accompagné par toutes les musiques de la publicité. Dans ce monde, qui était son élément, Georges manœuvra habilement et sut s'y créer bien vite des relations. Il profita des orchestres de son patron. Il n'y a pas de jeune avocat qui soit tambouriné comme lui par les journaux. Mais le tambour et son tapage ne suffisent pas pour faire vivre, surtout quand on mène le genre d'existence adopté par Georges, c'est-à-dire quand on a un bel appartement dans la chaussée d'Antin et qu'on vit au café riche. Tu sais toi-même qu'il est peu sensible à ces délicatesses du luxe. Pour lui, cela est vrai, mais il juge qu'elles sont nécessaires au but qu'il poursuit, et qui est d'éblouir. Pour se procurer ses ressources, il fait ce qui est rigoureusement interdit aux avocats. Il fait des affaires où tout au moins il négocie ou arrange celles de quelques financiers de second ordre. C'est ainsi que l'année dernière, il a été à Tunis, et voilà comment il gagne de l'argent. Il le gagne ? Sans doute, mais contrairement aux principes de sa profession. L'année dernière, je lui ai fait de graves reproches à ce sujet, car j'étais déjà fort mécontent de le voir engagé dans cette voie. Cette année, j'en ai de plus graves à lui adresser encore, car ce que je craignais depuis quelque temps déjà s'est réalisé. Georges s'est jeté dans la politique. Trouvant que les affaires ne lui donnaient pas des résultats assez rapides, il a voulu être un homme politique. Est-ce un crime ? Oui, mon enfant, lorsqu'on n'obéit pas à une conviction, mais seulement à l'ambition. Et c'est là le cas de Georges, qui n'a pas d'opinion et qui ne croit en rien, si ce n'est en son propre mérite. Pour lui, la politique est un moyen d'arriver à une haute position, et il prend ce moyen. Avec le clair regard de ceux qui ne sont pas troublés par leur conscience, il a froidement examiné la situation. Il s'est dit que le gouvernement que nous avons depuis une quinzaine d'années commençait à être usé, qu'aujourd'hui ou demain, il faudrait en prendre un autre. Il s'est décidé à se ranger parmi ceux qui l'attaquent, en attendant qu'il puisse le remplacer. Voilà pourquoi, depuis un certain temps, Georges a plaidé tant de procès de presse. Il préparait sa candidature. Voilà pourquoi aussi on le voit assister chaque jour aux séances du corps législatif. Plus assidu que les journalistes qui font le compte-rendu de ces séances, Il apprend son métier. Il veut être député. Et il le sera. » M. de la Hérodière cessa de parler, et pendant un moment il marcha silencieux près de sa fille, qui restait les yeux fixés sur le sable, respirant avec effort. « L'homme que je viens de t'expliquer, continua M. de la Hérodière, peut-il être le mari d'une honnête femme et la rendre heureuse ? Je ne le crois pas, car il n'y a pas de bonheur en ce monde sans l'accord de deux consciences, et jamais la conscience d'une honnête femme ne pourra approuver un mari tel que Georges. Georges sera député, peut-être même sera-t-il ministre, mais pour moi, il n'est plus l'homme que je veux donner pour mari à ma fille. Mais, père... Mon enfant, ne discutons pas, je t'en prie. Un vieil auteur a dit que pour devenir riche, il ne fallait pas tourner le dos à Dieu pendant 5 ou 6 ans. À mon sens, Georges a commencé ce mouvement de rotation. Je t'en avertis, afin que ma vieille expérience te serve de lunette pour l'étudier de près. Georges viendra passer avec nous une partie de ses vacances. En vivant près de lui, tu te souviendras de ce que je t'ai dit aujourd'hui. Tu l'étudieras, et après tu m'apprendras ce que tu as décidé. Jusque-là, nous ne parlerons plus de Georges, si tu le veux bien, ou tout au moins, nous n'en parlerons que comme de ton cousin. Fin de la section 5.